il fume, comment est-ce qu'on appelle ça, de la coquine, de la cocaïne? Je sais pas si elle fume, il y a bruit ou en tout cas. Puis, fantastique, le bonhomme. Ben, j'ai dit ça, cette affaire-là, j'ai dit ça te rend super nerveux en dedans. Puis j'ai dit au moins, change ça, puis fume du pot. Fait que tu vois comment ça va, l'intelligence? Au lieu de dire, bon, mais arrête-moi ça, cette affaire-là, c'est pas bon, là, là. Bon, ben, passe de ça, fume du pot, après ça, tu fumeras des cigarettes. Transition, c'est toujours l'objectif. De l'intelligence, c'est de l'intelligence. Puis de l'intelligence, c'est toujours beau, parce que ça a toujours du bon sens. T'es de l'intelligence, ça met pas un ego envers un autre ego. Y a pas, tu sens pas ça dans l'intelligence. L'intelligence, ça unifie, puis ça unifie, puis ça unifie, ça unifie. Y a jamais de tension, là. Tout le temps. Tout le temps. Fait que si l'intelligence sait que ça fait partie de son expérience, puis il y a des raisons, OK? Puis elle dit, bon, ben, fume du pot. Au moins, c'est pas radical. Tu tombes pas encore dans des formes. T'sais. C'est beau, l'intelligence. Même, j'étais surpris quand j'ai dit ça, tu mets du pot. Fait que mène-toi quelqu'un là, qui va écouter ça, une cassette, tout à l'heure. Il va dire, Bernard Lemonnier, il suggère que les gens passent de la cocaïne aux potes. Mène-toi que ça va faire beau, tout à l'heure. C'est toujours de même. Ça, faut que je vois ce que je dis, des fois. On va-tu manger, j'ai faim. Tu prêtes en haut? Tu prêtes en Il y a une chose qu'on a tendance à oublier. Les lois vibratoires de l'intelligence sont des lois extrêmement. Sont des lois extrêmement rigides. Rigides dans ce sens que lorsque l'on fonctionne vibratoirement, lorsque l'on fonctionne dans l'intelligence, même si on ne fonctionne pas parfaitement dans l'intelligence, lorsqu'on a conscience de l'intelligence de l'action, ou la conscience de l'intelligence de l'acte, ou conscience de l'intelligence de la parole, mais d'un acte en général, on est obligé de rebalancer la vibration de l'acte si on s'aperçoit dans le temps que l'acte n'était pas justifié. Autrement dit, dans le langage humain, si vous faites quelque chose, puis vous apercevez que ce que vous avez fait, c'est mal fait, ou si vous faites quelque chose et vous apercevez que ça a été bien fait, mais que ça a été très dur pour la circonstance, et que c'était nécessaire pour la circonstance, vous êtes obligé automatiquement de rebalancer la vibration. Ça n'a pas besoin d'être tout de suite de rebalancer la vibration, mais éventuellement, il faut que vous rebalancez la vibration. Et la conscience, l'intelligence a une mémoire très grande. Vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, dans la société ou avec l'homme, en relation avec l'homme. Vous allez créer un choc quelconque, vous allez débalancer quelque peu votre relation avec telle ou telle personne à cause de la façon dont vous avez agi, à cause de votre état vibratoire dans un certain moment, qui vous permettait à ce moment-là d'avoir raison dans votre acte. Mais avec le temps, vous serez obligé de rebalancer la vibration pour amener votre relation avec la personne qui a subi le choc vibratoire, pour ramener cette personne-là à un équilibre avec vous. Sans ça, vous créez automatiquement, pas nécessairement des ennemis, mais vous allez automatiquement créer suffisamment d'énergie pour briser une relation. Le mouvement de l'intelligence dans l'homme est tellement fort que souvent l'intelligence, l'énergie passe, l'homme canalise l'énergie, mais l'homme ne la canalise pas parfaitement. Alors automatiquement, l'énergie, quand elle sort, elle crée des chocs qui font partie de l'expérience de lui ou de celui qui la reçoit. Mais celui qui est dans l'intelligence de l'énergie et qui sait qu'il a créé un choc quelconque doit éventuellement rebalancer la vibration. Si vous êtes dans votre intelligence, si vous êtes sûr d'être sûr, à ce moment-là, vous allez créer un choc. Vous pouvez créer un choc vibratoire. Vous pouvez agir d'une certaine façon qui ne sera pas acceptée ou perçue ou comprise par une autre personne. Et à ce moment-là, l'intelligence vous amènera un jour ou l'autre, dans 6 mois, dans un an ou dans 2 ans, à rebalancer la vibration. C'est très important de rebalancer les vibrations entre les hommes. Lorsque un homme est dans la conscience ou est dans une suffisance de la conscience supramentale. Parce que l'action qui procède de la conscience supramentale, c'est une action qui sert à plusieurs niveaux. Elle peut servir à créer des tensions entre vous et l'autre personne, pour amener l'autre personne à une certaine réalisation, ou un peu psychologique ou vibratoire. Elle peut servir à tester votre résistance émotive à une action pour vous renforcer émotivement, ou elle peut servir à créer un choc dans la personne pour qu'elle reconnaisse quelque chose plus tard. Et elle peut vous, l'intelligence peut vous empêcher de rebalancer la vibration tout de suite pour que la personne reste sur cette vibration-là pendant un certain temps. Mais éventuellement, l'intelligence vous ramènera toujours au point de départ, celui de rebalancer la vibration. On ne peut pas créer un choc quand on est conscient. On ne peut pas créer un choc sans rebalancer la vibration. Et plus le canal est ouvert, plus vous pouvez créer des chocs puissants parce que vous avez une plus grande habileté de vous désengager émotivement. Plus la personne qui va recevoir le choc, qui est encore dans son ego et qui fonctionne encore normalement, va maintenir en lui, va garder en lui la vibration de ce choc-là. Et le but, c'est pas de créer un choc, simplement pour créer un choc. Le but, c'est de créer un choc pour qu'il y ait un ajustement vibratoire dans l'autre personne. Là, je parle réellement dans le cadre de vos relations humaines. Je dis pas si tu crées un choc à un chauffeur de taxi, ainsi de suite. Là, ça reste avec lui, puis ça fait partie de son expérience. Ça lui sert éventuellement dans le temps, oui. Surtout si il mesure 6 pieds. Mais dans l'expérience approximative, dans nos relations humaines, si vous créez un choc entre vous-même, entre votre mari, votre femme, vos amis, ainsi de suite, il faut que vous rebalanciez la vibration. Il peut y avoir des cas où vous allez créer un choc, vous vous en rendrez pas compte. C'est une chose. Mais là où vous vous en rendez compte, où vous êtes conscient de créer un choc, il faut que vous rebalanciez la vibration. Ça fait partie de l'intelligence de rebalancer la vibration. Si vous êtes trop dans l'ego, vous ne pourrez pas rebalancer la vibration parce que votre ego va vous en empêcher. Mais si vous n'êtes pas dans votre ego, vous pouvez la rebalancer la vibration. Et à ce moment-là, vous pouvez rétablir des liens avec la personne sur un autre plan vibratoire, puis éventuellement amener cette personne-là à une relation avec vous qui est beaucoup plus agréable. Si vous ne balancez pas les vibrations, ça va être un désastre. Entre les gens, entre les hommes, au niveau de l'inconscience, il se passe énormément d'actions où la vibration n'est pas rebalancée. C'est pour ça que les gens ont des ennemis ou les gens ont des relations humaines qui sont de plus en plus dégradables. Puis la relation entre un homme, entre deux êtres humains, ne devrait jamais dégrader, elle devrait toujours s'enrichir. Celui qui a une plus haute vibration, qui a une plus grande intelligence, est responsable de l'enrichissement de la relation. À moins qu'il décide lui-même de cesser complètement dans sa relation avec cette personne-là. À ce moment-là, c'est un choc, c'est final. Mais ça fait déjà partie de l'intelligence. Comprenez-vous l'idée? Alors, si ça fait partie de l'intelligence qu'il y a un choc, c'est final, c'est une chose. Mais si ça fait partie de l'intelligence qu'il y a un choc pour altérer la relation, pour l'assainir la relation, pour mettre de l'intelligence dans la relation, à ce moment-là, il faut pour rebalancer les vibrations qui étaient créées par le choc, parce que vous ne réalisez pas nécessairement vous autres, mais un choc vibratoire, ça peut être très pénible pour une autre personne qui ne comprend pas les aspects. Si c'est deux personnes qui sont dans la conscience, à ce moment-là, le phénomène du choc, il se comprend plus. Celui qui reçoit le choc va l'absorber. Puis l'autre n'a pas nécessairement le rebalancer. Mais si vous êtes en relation avec des gens inconscients au niveau de la société, il faut que vous rebalanciez vos vibrations quand vous créez un choc aux gens. Parce que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens vous comprennent. Puisque le choc n'est pas intelligent. Dans le sens humain du terme, il n'est pas raisonnable, il est purement vibratoire. S'il était intelligent, le choc, s'il était raisonnable dans le sens de la conscience humaine à ce moment-là, le problème n'existera pas. Mais il n'est pas comme ça. Il y a des chocs vibratoires quand ça nous passe dans le corps, puis on n'y peut rien. À ce moment-là, mais on a la conscience du choc, puis à ce moment-là, il faut qu'on rebalance après. J'amène ça sur le terrain là, pour répondre à une question de tout à l'heure. C'est bien important, ça. Bon, ben, supposons que tu rentres au bureau un matin et ton boss, il n'est pas de bonne humeur. Si tu es moindrement vibrant et tu t'achales, tu peux créer un choc. Tu peux dire, Chris, que c'est que t'as? Tu vas pas matin. Là, ça crée un choc parce qu'il n'est pas habitué à se faire parler de même. Fait que là, ça va aller mal. Tu peux t'engueuler, patati patata. Puis toi, tu es en vibration, fait que tu pourras pas te faire pousser contre le mur trop. Mais après ça, au lunch, je sais pas moi. Tu apportes un petit café. Tu balances les vibrations. Comprends-tu? Balance la vibration, c'est simple, balance la vibration. Puis on a des situations tous les jours dans la vie où on doit balancer la vibration. Tu ne peux pas laisser une personne sous une vibration vibratoire qui est déclenchée dans le supramental. Il faut que tu rebalances. Surtout si vous avez des personnalités fortes. Alors ça implique automatiquement que vous le sachiez quand vous créez un choc à quelqu'un. Quand tu crées un choc à quelqu'un, quand tu y envoies ça, chose, il faut que tu le saches que tu y envoies. Ça, tu le balances. Faut pas que ton ego te bloque parce que t'es fier ou... C'est là que c'est fort. C'est ça de la manipulation de l'énergie. Ça, c'est manipuler de l'énergie. Tu crées un choc, tu prends une énergie négative, puis ensuite, tu prends une petite aide d'énergie positive. Ça fait tout le temps l'éducation. Ouais. Vos enfants, c'est un exemple. Vous disciplinez vos enfants, c'est bon. Mais balancez la vibration. Sans ça, vos enfants vont finir avec des égos tout rapetissés. Dans l'éducation des enfants, c'est essentiel de rebalancer les vibrations. Essentiel. Puis il y a trop de parents qui ne le font pas. Parce que j'ai des parents qui se prennent au sérieux à l'éducation des enfants. Moi, je suis le père, moi, je suis la mère, ben non, marche pas de main. Quand les enfants sont jeunes, il n'y a pas tellement de feedback. Mais quand ils ont 14 ans et 15 ans, ils peuvent vous en donner du feedback. Fait qu'il faut que tu les prépares jeunes à la discipline. Fait que quand il a 14, 15 ans, 16 ans, tu lui donnes un choc, il te prend, puis tu leur balances, il est habitué. Il te comprend, puis il comprend de la psychologie. Regarde bien la différence subtile. C'est pas que si ça te tente pas, mais si t'es pas capable. Comprends-tu la différence? Si ça te tente pas, là, c'est ton ego qui bloque. Si t'es pas capable, c'est que tu n'y peux rien. Faut que t'attendes, puis ensuite tu le fais. Que ça tente ou que ça tente pas, c'est égocentrique, ça. Ça tente, que ça tente. Ça peut être ton orgueil, ça peut être ton tempérament, ça peut être pas. Ça tente pas. quand tu peux pas, là, c'est un opé de mort. Quand tu peux pas, t'aimeras ça, pis t'es pas capable. T'aimeras ça, tu voudras balancer la vibration, mais t'es pas capable. Elle passe pas l'énergie, t'es bloqué net, t'es pas capable. Pis quand t'es dans le supramental pas mal, là, quand t'es pas mal imprégné de cette énergie-là, c'est le même que ça marche, c'est plus que ça te tente pas ou que ça te tente. C'est que t'es pas capable. Comment tu voudrais, t'es pas capable. Oui, quand je donnais des chocs à ma femme au début de l'initiation, je disais, comment de temps ça va durer? Là, il disait 2 heures. Comment elle a fait tous les temps, c'était 2 heures. Au bout de 2 heures, je change mes vibrations de faire balancer. Tu vas pas rebalancer avant. T'es pas capable. Est-ce que ça revient jamais? Ah, ça revient, pas eux. Elle est comique. Elle est cute. Elle est foncièrement pessimiste. On va vous expliquer ça, qu'est-ce que c'est le pessimisme. Ça, c'est bien intéressant, le pessimisme. Le pessimisme, c'est une faculté de l'ego qui ne voit pas les possibilités de l'ego. Pourquoi le bout? Quoi? Il y en a toujours un bout. Il y en a toujours un bout. Tout le temps. Mais l'ego ne le voit pas. Puis il cherche, puis il ne le voit pas. Tant qu'il cherche, il n'a pas. C'est quand il arrête de chercher un bout qu'il y en a un. C'est comme avec le pessimisme. C'est assez intéressant, ça. Et le pessimisme, ça fait partie d'une vibration de l'âme. C'est comme le pessimisme, ça fait partie d'une vibration de l'âme qui cherche à rendre l'ego malheureux pour lui faire vivre des expériences qui créent dans l'âme certains reflets. Mais des reflets qui sont sombres. Puis ces reflets-là qui sont sombres servent au cours de l'évolution de l'âme à créer des appétits astraux comme une personne dans une vie qui serait extrêmement pessimiste, par exemple, par la création de ces reflets-là dans l'âme, permettrait éventuellement à l'âme, au cours d'une autre incarnation, de créer des appétits astraux dans un homme, comme par exemple avoir le goût de manger beaucoup, beaucoup de chocolat. Puis le fait qu'elle mangerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat, ça l'amènerait à être malade dans certains organes. Puis la maladie dans certains organes servirait à contrôler le temps de l'évolution matérielle. C'est comme si c'est tout du clockwork. Tout ça aide en vie. C'est pour ça que les hommes doivent libérer de l'emprise de l'âme. Ça vient totalement... Regardez bien ça. Mandez-vous donc dans votre tête... comment ça va? Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Ça répond ça. J'en sais rien? OK. Mandez-vous donc dans votre tête si c'est vrai que vous n'en savez rien. Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Je ne veux pas savoir. Mandez donc pourquoi est-ce que vous avez des réponses comme ça? Tu ne regardes pas. Demandez donc si la communication de l'intelligence vient de l'astral. Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Voyez? Demandez donc si vous êtes intelligent. Okay. Demandez donc si lui est intelligent. Vous voyez là? Ah, dans votre vie, là, vous êtes pogné entre ça. Vous êtes pogné entre votre intelligence naturelle qui fait partie de votre contact avec l'ajusteur de pensée, mais vous êtes pogné aussi avec lui qui coupe ça. C'est lui qui empêche ce contact avec l'intelligence universelle. Alors vous, sur le plan de votre expérience psychologique, vous bénéficiez négativement de sa présence dans votre esprit, de son influence sur votre esprit, puis c'est pour ça que vous êtes pessimiste. Comprenez-vous ce que je dis? Mais allez donc, c'est vrai ce que je dis. Qu'est-ce que vous dites? Demandez donc s'il est temps que vous le sachiez. OK. Demandez donc pourquoi ce qui colle à votre intelligence. Ah! T'es trop forte pour nous. Là, regardez bien ça. Qui c'est qu'elle? Là, t'es trop forte. Ça, c'est subtil. Ça, c'est moi. Ça, c'est qu'elle est là, mais tu sais. Écoute bien ça, ça. Là, je vais ouvrir un autre volet sur la conscience supplémentaire de la conscience de l'homme. Il y a des êtres sur la Terre qui sont voués à l'échec. Il y a des êtres sur la Terre qui ne sont pas voués à l'échec. Les êtres qui sont voués à l'échec, ce sont ceux qui sont trop, trop emprisonnés dans cette énergie-là. Ils sont prêts à en sortir. Ils n'ont pas de chance. Les êtres sur la Terre qui ne sont pas voués à l'échec, mais qui sont tout de même influés par cette énergie-là, les êtres comme vous, puis comme beaucoup d'autres, en général, sont des êtres qui ont un potentiel qui, s'il était développé, ce potentiel-là, retarderait certaines de leurs activités dans l'astral. Et une activité, parce que ça va loin, le monde de l'astral, mais une activité que vous, en tant que personne, retarderiez dans l'astral, c'est lié au fait que, de nature, vous êtes une personne honnête. Et étant une personne honnête, ça va à l'encontre des lois astrales négatives, du bas astral. Fait qu'automatiquement, étant honnête puis ayant une sensibilité, ils font connexion avec votre mental et bloquent et bloquent et bloquent et bloquent, de sorte que vous êtes toujours prise entre l'honnêteté de l'action, la claire perception de ce qui devrait être fait et l'incapacité de savoir précisément si votre action est correcte ou non. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça revient tout le temps, okay. Ça marche et ça dérange. Bon, OK. Là, je vous en parle parce que le sujet arrive, là. Puis là, je vais parler à tout le monde, là. Je vais vous donner une clé qui est universelle. Ça, c'est une clé universelle. Et une clé universelle, ça, c'est bon pour tous les hommes. Si les hommes peuvent le comprendre ou le saisir un jour, ça va libérer bien du monde. C'est que tout homme, sur le plan matériel, devrait être capable dans sa vie, à quelque temps que ce soit, n'importe quand dans sa vie, de se réaliser ou de se savoir intelligent, de se savoir ayant de la valeur. Un homme qui ne sait pas se réaliser comme ayant de la valeur, comment est-ce que vous diriez ça? Vous autres, vous avez une expression, vous avez dit, vous vous dites s'aimer, être capable de s'aimer. Ça sonne. Ça s'apprécie. OK. Être capable de s'apprécier. Une personne qui n'est pas capable de s'apprécier est automatiquement affectée par l'astral. À quelque niveau que ce soit. Et aussitôt que tu sais ça et que tu réalises ça ou que tu rentres dans l'intelligence de ça, c'est là que tu commences à te délier de ces forces-là. Éventuellement, ça coupe. Là, tu rentres dans ton intelligence. Là, ta vie change. C'est vraiment que ça marche. Fait que la rencontre en soi est importante pour ça. Alors, vous, quand vous pensez, ou quand vous étudiez une situation, ou quand vous regardez une situation, occupez-vous toujours de la voir, non pas comme vous la voyez avec vos pensées, mais comme vous la voyez vibratoirement, comme vous la ressentez. Toujours ressentir, mais n'ajoutez jamais passer par vos pensées. Jamais. Pour pouvoir passer par vos pensées, vous pourrez plus tard passer par vos pensées. Quand déjà la vibration sera suffisamment forte pour couper ce contact-là avec l'astral, là, vous pourrez passer par vos pensées. Puis à ce moment-là, vos pensées sont claires et nettes. Puis là, vous pourrez vous fier sur vos pensées. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous fier sur vos pensées. Fiez-vous sur ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas dit? Tu traques dans l'astral et donc tout. Laisse-moi finir une petite seconde, là, sur ce track-là. Parce que j'en ai jamais parlé de cette affaire-là dans le cadre que je veux l'expliquer. Moi, je suis fusionné, hein? Tu sais que je dérange. Ouais, OK. Laisse-moi finir ça. Moi, je suis fusionné. Je suis fusionné. Puis des fois, je vais en recevoir une qui écroche. Une pensée qui écroche. Mais la pensée qui écroche que je reçois, c'est pour m'éveiller à eux autres. C'est pour m'éveiller à eux autres. On dit, ils veulent que je communique. Qu'est-ce qu'il y a là? Automatiquement, moi, je ne suis pas affecté par ces pensées qui sont croches. Parce que je suis trop dans mon esprit. Les gens ne sont pas dans leur esprit, les gens sont dans leur pensée. Et quand tu es dans ton esprit, tu sens. Puis quand tu es dans ton esprit, tu n'as pas besoin d'être dans tes pensées. Puis plus tu es dans ton esprit, moins tu es dans tes pensées. Parce que des pensées, être dans des pensées, c'est être dans un monde inférieur. Automatiquement, être dans des pensées, c'est être dans un monde inférieur. Mais c'est être dans un monde inférieur qui peut être qui peut être affecté par l'intelligence. De sorte que les pensées sont comme du monde. Les pensées s'auto-corrigent. Si tu suis une ligne de pensée, des fois, là, tu vois qu'elle accroche, accroche, accroche. Puis aussitôt que tu rentres dans ton esprit, là, elle se redresse. Y en a-tu qui comprennent ça? C'est croche, là. Si t'es pas conscient, là, elle croche. Il te passe tout ça d'affaires dans la tête. C'est croche, croche, croche. Tout d'un coup, tu te rends conscient, ça se redresse tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est comme si on plonge dans l'astral puis on revient dans le mental. On plonge dans l'astral puis on reste pas tout le temps dans le mental. Alors, une personne qui comprend pas ça, mais qui reçoit des pensées croches, elle vit de ça, fait qu'automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu te déprimes. Comment voulez-vous pas être dépressive, pas dépressive, mais pessimiste quand vous avez un escogriffe comme ça qui vous envoie des pensées qui sont toujours dépressives, dépressives, dépressives. Comprenez-vous? Mais une fois que vous le savez, puis vous allez d'après vos sentiments, là, automatiquement, ça dégage ça. Ça vous dégage de l'astral. Puis éventuellement, vous rentrez dans le mental, mental, mental. Puis éventuellement, c'est clair et net. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait justement que certains individus vont avoir du contact très étroit avec des intelligences astrales et d'autres ne le respectent pas? Ça fait partie de l'expérience de l'âme. Oui. C'est de la mémoire. Regarde bien ça. M'en dis-le aussi même. OK. Pourquoi? OK. Alors, si vous recevez des pensées comme ça, que moi, je suis un maudit salaud, ce qui vous permet de continuer à venir dans des conférences, c'est parce qu'il y a une partie en vous qui est votre esprit, qui est assez fort pour aller contre ça. Mais ça crée une tension. Oui, c'est plus fort, je le sais. Ça crée un combat. C'est ça que je ne les crois pas. C'est pour ça qui m'achève encore plus. Ouais. Parce que je ne me laisse pas avoir par les autres. Mais il y a une chose qui sert, que je vais vous expliquer, là. C'est que quand vous faites achaler comme ça, que vous faites achaler, puis achaler, puis achaler, puis achaler, par ça, et que vous savez ce qui se passe, je vais vous dire ce qui se produit, c'est pour ça que c'est bon. C'est que ça vous amène à être dans le mental supérieur. Parce que le mental supérieur se crée par la destruction du mental inférieur. Et la destruction du mental inférieur se fait par la conscience qu'a l'homme de ce monde-là. Fait que quand tu es conscient de ça, puis tu t'en occupes pas, éventuellement, tu transposes ton énergie d'un plan à un autre. Tu te crées un autre corps. C'est ça qui se passe. Fait qu'éventuellement, ça diminue, puis là, tu restes dans ton intérieur. T'es vide, puis tu fonctionnes. Ou tu as une communication. Ou tu n'as pas. Ça ne change rien, tu es dans ton intérieur. C'est cyclique, quand même. Oui, c'est cyclique. Mais oui, c'est cyclique. Puis quand on réalise qu'il y a des milliards d'êtres humains qui sont pognés de ça, t'imagines que... Il y a des gens qui ne l'ont pas, ça. Ils ont en tête claire, ils ont en tête nette. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. Tu peux pas t'en débarrasser comme ça? Non, ça... Parce que ça... Je suis conscient ouais. Que ouais. Temps, ouais. Il me charrie, ouais. J'ai deux semaines. Ouais. Vous pouvez pas vous en débarrasser volontairement, ça se débarrasse aussitôt que vous en prenez conscience. It's just a matter of time. Mais ça part. Il y a un phénomène qui se produit quand on n'est pas affecté par ces entités-là. Il y a un phénomène dans l'ego automatiquement qui se produit. C'est que l'ego est en force. Un ego qui n'est pas affecté, ça, est en force. Il s'apprécie, il se valorise, il est en force automatiquement. C'est pour ça que souvent dans la vie, on rencontre des gens, là, ça part d'eux autres. Ils sont en force. Parce qu'ils ne sont pas affectés par ça. Mais il y a une raison pour ça. Ça fait encore partie de l'évolution. Ménard, c'est un exemple. Il est en force. Tandis que les hommes, en général, ne sont pas autant en force. Puis si les hommes pouvaient voir jusqu'à quel point ils sont susceptibles d'être affectés par ces vibrations-là, ils verraient souvent qu'ils ont passé juste. Ils ont passé juste. Ça n'aurait pas pris gros pour qu'ils soient affectés. Ça aurait pris peut-être qu'il y aurait un petit peu plus de difficultés quand ils étaient jeunes au niveau de l'ego, au niveau émotif, là, dans la famille, et ainsi de suite. Là. Puis ça aurait ouvert ça. C'est pour ça que la famille, grandir d'une famille, tout ça, c'est bien, bien important pour un jeune. Un être humain devrait être capable d'être en force dans son mental. Même si son intelligence n'est pas parfaite, puis précise, puis il est encore capable d'erreurs psychologiques. Aussitôt qu'un être humain est en force à ce moment-là, ces influences-là ne sont pas possibles. C'est ça qui dégrade notre vie, c'est ça qui rend notre vie difficile, c'est ça qui nous empêche dans notre vie de faire des choses ou de voir des choses. Parce qu'un être humain, c'est un être humain quand il est en force, sa vie est automatiquement en force. Il voit, il sent des choses quand il est jeune, et ainsi de suite. Puis souvent, on n'est pas habitué à ces êtres-là, on les sent, on a l'impression. Moi, je sais bien que quand j'étais petit gars, j'étais bien en force. Puis je tapais un cadeau pour les étudiants dans ma classe, ou mes profs, ou les gens que je rencontrais. Parce que j'étais tellement en force. Seulement, j'avais pas la psychologie, j'avais pas le discernement. Puis seulement, j'étais tellement en force que les gens pensaient, mais qui c'est qui se prend? Bernard. Je me rappelle, j'étais en taxi avec ma mère une journée, puis j'étais un petit gars, j'avais peut-être 13 ans, puis on discutait de politique avec une chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi, il disait à ma mère, il n'y a pas moyen de discuter avec ce petit-là. Il n'y a pas moyen de discuter. Il y a toujours le dernier mot. Ma mère, elle me disait tout le temps ça. T'as toujours le dernier mot pour rien parler avec toi. Ça faisait partie d'être en force. Puis quand t'es jeune, t'es inconscient, mais t'es en force. Mais naturellement, ça sort. Et tu contrôles pas l'énergie. Fait que tu fais des erreurs. Puis tu peux ne pas te faire aimer, ainsi de suite. C'est ça l'expérience. Mais c'est tellement en force qu'en dedans de toi, il y a comme une fondation solide. Puis c'est toujours en force. Tu sens toujours en toi de l'intelligence, quelque chose. C'est pas de l'intelligence, c'est quelque chose. Tu sens. Et bien, mais tu vis avec ça quand t'es jeune. Ça peut être un fardeau pour l'ego. Quand t'es trop en force. Quand tu te conscientises, t'es en force. Là, c'est plus un fardeau. C'est un allègement. Mais quand t'es inconscient, c'est un fardeau. Mais normalement, les êtres humains devraient être un peu en force. Un petit peu en force. Un petit peu... Comment est-ce que tu t'expliquais ça tout à l'heure? Avoir un sens de self-appreciation. C'est un signe. Self-esteem. Parce que si tu as du self-esteem ou de l'appréciation, ou de l'auto-appréciation, c'est parce que t'es un peu dans ton intelligence. T'es un peu dedans. Mais si t'es dans ces intelligences-là, c'est évident. Les lois de ces mondes-là, ce sont des lois qui dégradent la conscience humaine, qui dégradent la nature humaine, qui dégradent l'homme, qui diminuent l'homme, qui l'atterrent l'homme. Vous, c'est parce que ça te donne que vous avez le caractère fort. Sans ça, tu capotes. C'est comme ça que les gens deviennent mentales, puis ils se suicident, puis ils veulent ici, puis ils veulent ça. C'est le même. Parce qu'ils n'ont pas résistance. Alors vous, vous avez résistance, mais il y a le combat, puis il y a le combat, puis il y a le combat, puis il y a le combat. Une fois que tu le sais, à ce moment-là, le combat diminue, mais ça se fait dans son temps. Mais là où on comprend ce qui se passe, il y a de la vie. Pas d'espoir. Mm-hmm. Attends, là. Hein? De la vie. Moi, quand j'ai rencontré Ménard, je me rappelle, quand j'ai rencontré Ménard, j'ai rencontré de l'intelligence. J'ai rencontré de l'intelligence, un certain niveau d'intelligence. Puis, à cause de son niveau d'intelligence, à Ménard, ça aurait pu, il aurait pu avoir des flemèches entre nous autres. C'est pas comme vous autres. Vous êtes plutôt doux, fin. Mais lui, il n'est pas doux, puis il n'est pas fin. Mais heureusement qu'il avait suffisamment d'intelligence pour qu'on puisse se communiquer, nous autres. Sans ça, il y aurait eu des maudites tensions entre nous autres. Fait que ce qui arrive dans la vie, c'est ça qui est malheureux, c'est que les gens rencontrent de l'intelligence, mais au lieu d'aller vers l'intelligence, d'échanger avec l'intelligence, voir qu'est-ce qu'il y a dans cette intelligence-là, qu'est-ce qu'il y a, voir exprimer, ils ont peur. Ils se sentent menacés. Comment est-ce qu'il y en a de gens qui ne veulent pas me parler parce qu'ils ont peur de me parler? C'est ridicule à dire, mais c'est le même. Les gens se sentent menacés. Puis moi, je trouve ça une perte énorme. Énorme. Énorme. Rencontrer du bon monde, c'est bien fun. Mais rencontrer du monde qui sont plus dans cette vibration-là d'énergie, de l'intelligence, à cause de leur plan de vie, c'est un autre plaisir. C'est un maudit grand plaisir. Mais quand tu sais l'apprécier, parce que dans la vie, on ne peut pas toujours vivre. On ne peut pas toujours vivre dans la vie avec des gens qui sont fins et qui sont prêts à t'écouter. Surtout quand tu es dans l'intelligence. Quand tu es dans l'intelligence, tu veux bien parler au monde parce que les gens sont fins, puis les gens ont des bonnes vibrations, puis les gens apprennent, puis les gens se conscientisent. Mais dans la vie, il vient un point où tu aimes ça. Tu aimes ça avoir de l'entre-gens, puis de l'entre-gens, puis de l'entre-gens. C'est là que tu apprécies des gens qui sont dans cette vibration-là. Puis quand tu les rencontres, tu mets le grappin dessus. Les gens avec lesquels tu peux communiquer. C'est pour ça que je vous parle toujours de ces gars-là. Croteau, Ménard. Puis il y en a d'autres que je ne parle pas. J'ai mes raisons. Parler avec des gens qui sont dans l'intelligence, c'est plaisant. C'est toute une expérience pour un homme qui est seul comme moi. Parce que tu ne veux pas toujours parler pour parler. Tu veux parler pour communiquer. Je ne suis pas toujours intéressé, mais à m'entendre parler. À m'entendre les gens m'écouter. J'aime ça de temps en temps prendre un petit café avec quelqu'un puis on part. Mais souvent, ces gens-là, quand ils sont dans leur intelligence, souffrent tant qu'ils n'arrivent pas dans la conscience de leur intelligence. Quand tu arrives dans la conscience de ton intelligence, là, tu n'en souffres plus, tu es bien, tu es content de l'avoir, ton intelligence. Mais quand tu n'es pas dans la conscience de ton intelligence, tu peux passer des longues années à en souffrir de cette intelligence-là. Pas nécessairement à en souffrir directement, mais à en souffrir indirectement parce qu'elle est tellement forte, cette intelligence-là, que ta relation avec les hommes n'est pas toujours facile. T'es toujours marginal, t'es toujours rapport. Puis t'es... Les gens te sentent amoindris par la grandeur des autres. Mm-hmm. Comme si tu avais à voir. Exactement. C'est pour ça que c'est bien important qu'on soit attentif à nos pensées. Quelle sorte de matériel qui se passe dans notre tête? C'est du matériel négatif qui sert à la destruction du mental, puis qui est manipulé par des énergies supérieures, là, ça marche. Mais c'est du matériel négatif qui est manipulé par des intelligences inférieures, là, ça marche plus. Il faut qu'on le sache. Sans ça, on sort jamais, jamais de notre faiblesse psychologique, de notre égocentricité. On peut jamais rentrer dans notre propre intelligence. On peut jamais avoir les idées claires. Il y a tellement de monde. Moi, je ne peux pas arriver à tout le monde et dire, bon, mais toi, il se passe ta chose, puis toi, il se passe ta chose, puis il se passe ta chose. Il faut que vous en arriviez vous-même à le découvrir. À la découvrir, votre intelligence. À la découvrir si elle est belle ou si elle ne l'est pas. Si elle a du bon sens ou si elle n'en a pas, puis si elle n'en a pas. Mais de réaliser ce qui se passe pour que ça cesse. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, je vous donne un point de référence général. Prenez-vous jamais au sérieux. Croyez pas ce qui vous passe dans votre tête. Écoutez, regardez. Prenez-vous pas au sérieux, vous allez faire embarquer. Une tête d'homme, ça va être vite. temps en temps, il y a de la communication. Remplir le trou, le vide. Soit être vide, une tête. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des attitudes au niveau de la personnalité qui ont été créées depuis des dizaines et des dizaines d'années à leur insu. Pardon. Puis, sont déprimés. Ils se voient rien de bon. Ils sont tous croches. Ça vient d'où? Ça vient de l'astral. Où? Ils sont spirituels au bout. Ça vient d'où? Ça vient de l'astral. Que vous soyez spirituel au bout ou que vous soyez déprimé, pour moi, c'est la même chose. Même chose. C'est un mal pour un bien, bien, bien pour un mal. Parce que vous n'êtes pas dans votre intelligence. Vous êtes à l'intelligence de quelqu'un d'autre qui est peut-être moins intelligent que vous. Qui a peut-être accès à moins d'intelligence que vous. C'est grave en maudit. Une autre fois, il me dit, le Christ me parle. J'ai dit, c'est-tu le Christ qui parle à tout le monde? Ça, il répond, maintenant, t'es Christ d'affaires. Ça, c'est des gens. Il me dit plus ça, là. Christ, là. C'est grave, c'est notre esprit, c'est notre tête. On couche avec. D'accord. C'est grave. Je voudrais mettre un psychologue, mais maudit que j'aimerais ça. Je formerais une association avec lui. On donnerait un fil d'idée, nous autres. C'est effrayant. Moi, c'est ça que quand quelqu'un me dit qu'il m'aime pas, ça me met en maudit. Pas parce qu'il m'aime pas, parce que je sais pourquoi est-ce qu'il m'aime pas. C'est la différence. Pas parce qu'il m'aime pas, parce que je sais pourquoi est-ce qu'il m'aime pas. C'est pas de sa faute. Quand tu te fais passer des signaux de même, Charlie, comment est-ce que tu veux? Pas aimer quelqu'un et pas aimer personne. Il y a du monde qui se promène dans la vie et n'aime pas personne. Je comprends. Il n'y a pas une pensée qui vient des autres. Ah, puis là, les sentiments sont pas assez forts pour dépasser ces pensées-là. Parce qu'ils pensent que ça fait partie de la pensée. Les personnes dans le système. Ça dépend. Il n'y a pas de règle générale pour ça. Ça dépend de l'état émotif de la personne, ça dépend de la sensibilité de la personne, ça dépend du système nerveux de la personne, ça dépend si la personne a besoin de sommeil, ça dépend si la personne absorbe beaucoup de tension et a besoin de sommeil. Quand tu te conscientises, très souvent, tu en arrives à dormir moins ou dormir plus en surface. Il y a un travail de résistance qui se développe, qui se fait au niveau du mental. Puis par contre, tu peux te conscientiser puis dormir beaucoup. Il n'y a pas une règle. Chaque individu, il faudrait que tu prennes un individu là, en particulier. Ben, ça développe de la résistance quand tu ne peux pas dormir. Tu es avec tes pensées, là, puis ça travaille, puis ça travaille, puis ça travaille, puis ça travaille. C'est un travail. Oui, ma femme adore 10 heures, 11 heures par jour. Elle aime ça dormir. Mais si elle avait à travailler et à fonctionner, elle dormirait moins. Fait que c'est une balance pour son corps astral.